Chapitre 23e. Rose, en rentrant à l'hôtel, trouva Saint-Chey dans une agitation indescriptible. Il vint à sa rencontre, ses petits yeux brillants de fièvre, et tout son être positif frémissant d'impatience. « Eh bien » fit-il en l'entraînant dans le salon de leur appartement. « Eh bien quoi, qu'est-ce que vous me voulez ?» dit Rose avec humeur. « Comment cela a-t-il fini ? Comment voulez-vous que ça finisse ?» Par une ordonnance de non-lieu, naturellement. On ne pouvait pas continuer à l'accuser de m'avoir assassiné, je présume, lorsque j'étais là, en chair et en os. Bien entendu, ce n'est pas cela que je vous demande. A-t-il été content? Qui? Lui, André, votre mari, enfin! Mon Dieu, Rose! Quand vous vous y mettez, vous êtes capable d'user la patience de tous les saints du calendrier. Vous me l'avez déjà dit plusieurs fois, Saint-Chey, et même en vous servant exactement de ces expressions. Vous vous répétez, mon ami. Et à la longue, ça devient monotone. Saint-Chey s'assit d'un air désespéré et se prit la tête entre les mains. Quand Rose voulait le mettre hors de lui, elle savait comment s'y prendre. Elle ôta son chapeau d'un air tranquille, arrangea ses cheveux devant la glace et sonna pour qu'on leur montât à dîner, car il était 9 heures du soir. Ils prirent leur repas sans se parler autrement que pour les nécessités du service, et quand les domestiques se furent retirés, Rose s'allongea tranquillement sur un canapé comme si tout eût été autour d'eux dans l'ordre accoutumé. « Rose, » dit à voix basse Saint-Chey, qui s'était assis un peu loin d'elle sur une chaise basse. « Rose, il faut pourtant parler sérieusement. »« C'est aussi mon avis, » répondit-elle d'un air indifférent. « Eh bien alors dites-moi ce qui s'est passé. Dites-moi comment M. André s'est comporté envers vous. Est-ce que vous ne comprenez pas de quelle importance est pour moi votre réponse? Est-ce que vous ne voyez pas que ceci peut changer toute ma vie, toute la vôtre ?» « Ma parole, Rose, je ne vous croyais pas méchante, bien qu'on me l'ait dit 100 fois. Mais si vous continuez ainsi, je finirai par penser qu'on avait raison de le dire. » Elle retira lentement ses pieds du canapé et les posa à terre. Ses sourcils froncés, rapprochés et élevés, lui donnaient un air vraiment méchant. « Que voulez-vous que me fasse ce qu'on vous a dit de moi ? » fit-elle avec amertume. « Que n'a-t-on pas dit de moi ? En avez-vous cru la moitié ? Et puis je vous dirai, Saint-Chey, que je me soucie aussi peu de ce que vous pensez de moi, de ce que pensent les autres. Voilà mon opinion. » Elle le regarda d'un air triomphant. « Mon Dieu !» murmura Saint-Chey, consterné, « après tant d'années. » « Oui, après tant d'années. Vous voulez la vérité ? La voici. Rien ne me fait, excepté ce que pense de moi cet homme qui a été mon mari, que j'ai détesté, que j'ai voulu tuer, que j'ai quitté, non par un coup de tête, mais avec la résolution bien arrêtée de ne jamais le revoir. Je l'ai haï et aujourd'hui j'ai vu. Savez-vous ce que j'ai vu? Le voici. J'ai traversé l'océan. J'ai tout quitté pour venir le sauver, et il me méprise. Rose, murmure le brave garçon ému pour elle à la pensée de ce qu'elle souffrait. Oui, il me méprise. Je l'ai sauvé, pas de la mort, je pense, mais d'une longue prison, tout au moins. Eh bien, il me méprise. Il ne m'a pas seulement tendu la main. Et dans mon idée, il aimerait autant être condamné que de me devoir la liberté. C'est dur, cela, Saint-Chey, n'est-ce pas ? Il allait répondre, quand on frappa à la porte, et presque en même temps, Florence entra chancelante, épuisée par une longue course faite trop vite. « Ah, ma fille, ma Rose !» Elle perdit pied, et Rose la reçut dans ses bras. Saint-Chey avança un fauteuil, où il assit la vieille femme, qui regardait Rose de ses grands yeux ouverts, voilés par les larmes. Les lèvres blanches et tremblantes, elle essayait de parler, et ne pouvait proférer aucun son. « Vivante, ma fille, » dit-elle enfin, « tu es vivante, et tu as pu me laisser si longtemps sans nouvelles de toi. J'ai tant pleuré que je n'y vois presque plus, et tu n'as jamais eu l'idée de me consoler par un petit mot. » « Je ne pouvais pas, » répondit Rose avec un peu d'aigreur. « Si je t'avais écrit, c'était me faire connaître à tout le monde. » « Tu n'aurais pas pu te taire. »« Ne me gronde pas, ne me gronde pas !» dit Florence avec précipitation, en étouffant un sanglot, comme un enfant qu'on réprimande. Elle leva sur Rose un regard soumis. La comédienne attendrie se pencha sur elle et l'embrassa. « Ne pleure pas, » dit-elle en la câlinant. « Ma bonne Florence, me voilà revenue, ne parlons plus du passé. »« Il faut pourtant que j'en parle, » fit la vieille servante avec un gros soupir. « Je n'ai que le passé, moi, ma fille. » Toi, tu es l'avenir, qu'est-ce que tu vas faire? Ne me demande pas ce que je vais faire, je n'en sais rien. répondit Rose avec humeur. « On s'est donc donné le mot pour me demander ce que je vais faire. Est-ce que je puis le savoir ? Je suis arrivé ce matin. J'avais assez peur d'être en retard et ce bateau à vapeur qui ne marchait pas. Enfin, c'est fini, me voilà. Peut-être demain soir saurai-je ce que je vais faire, mais aujourd'hui je vous donne ma parole que je n'en sais rien. « Ton mari ?» dit timidement Florence. « Que dit-il ?» Rose se détourna, saisit une tasse de porcelaine qui se trouvait sur un guéridon et la jeta par terre avec rage. Saint-Chaise se renfonça dans sa chaise et se tint quoi. Florence regarda son enfant chéri avec plus de douleur encore que d'étonnement, et ne dit rien non plus. Rose se mit à marcher dans l'appartement d'un pas rapide, comme elle le faisait jadis dans le petit salon de la maison de Chartres, avec le même mouvement régulier et presque machinal. Au bout d'un instant, sa colère éclata. « Mon mari, toujours mon mari, » dit-elle entre ses dents serrées. « Ah, si j'avais su !»« Tu l'aurais laissé condamner ?» Ce n'aurait pas été bien, ma fille. Ça aurait été une mauvaise action. Tu n'aurais pas voulu faire une mauvaise action, n'est-ce pas? Ce n'est pas si sûr, gronda Rose, qui continuait à marcher en repoussant du pied les fragments de porcelaine qui se trouvaient sur son passage. Autrefois, tu ne l'aurais pas fait, insista doucement Florence. Tu ne peux pas être plus méchante qu'autrefois, dit fille chérie. Rose s'arrêta et ne répondit pas. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Demanda la vieille servante, tout bas, en désignant Saint-Chaise. Ce monsieur, fit Rose avec éclat, c'est mon amant. C'est avec lui que je me suis sauvée autrefois. Rose, Rose, dit Florence. Quoi? Il fallait bien me sauver avec quelqu'un. Je n'avais pas assez d'argent pour me tirer d'affaire toute seule. Rose, dit doucement Saint-Chaise, c'était donc seulement pour l'argent? Vous savez bien que non, dit-elle en se retournant brusquement, comme s'il l'avait frappée par derrière avec une pointe aiguë. « Est-ce vous qui pouvez me demander si c'est pour de l'argent, lorsque j'en aurais eu autant que j'en aurais voulu? Et s'il m'avait convenu d'en prendre dans le secrétaire de mon mari, j'en avais la clé. Je n'ai pas emporté un sou à mon mari. Florence le sait bien. Non, ce n'est pas pour l'argent. Si je suis parti avec vous, c'est que vous aviez paru m'aimer pour moi-même, pas seulement parce que j'avais du talent et que j'étais une comédienne, mais parce qu'enfin vous m'aimiez avec votre cœur, tandis que les autres m'aimaient avec leur vanité. » Saint-Chaise la regarda avec les yeux pleins de larmes, ne sachant plus s'il devait se fâcher ou pleurer pour tout de bon, mais ayant grande envie de faire l'un et l'autre, ou autre chose qui lui permit de s'épancher au dehors. Il n'avait pas l'habitude de dissimuler ses émotions, et il étouffait, littéralement. « Ma fille, dit tristement Florence, que de malheur. Et si tu avais voulu ?»« Oui, je sais bien, interrompit Rose, si j'avais voulu vivre comme tout le monde. » Évidemment, cela aurait mieux valu, mais je ne pouvais pas. Mon seul tort, oui, Florence, tu peux me regarder avec ses yeux pleins de reproches, mon seul tort a été d'épouser juste André. La vieille servante ne répondit rien. Sur ce point, elle n'était que trop d'accord avec Rose. Où vas-tu ? Demanda celle-ci en la voyant se lever. Je rentre chez moi, dans un petit hôtel où je demeure. Je suis venue pour le procès. Reste ici, dit impérieusement Rose. « Je vais te faire donner une chambre. »« Non, » répondit Florence d'un ton ferme. « Je veux rentrer chez moi. »« Demain, quand tu sauras ce que tu veux faire, nous parlerons sérieusement. »« Comment ? Tu refuses ? À moi ? À ta Rose ?»« Oui, je ne suis pas contente. »« Oh, ma fille, je m'étais dit parfois que je te retrouverais. »« Que tu ne pouvais pas être morte. »« Eh bien, tu n'es pas contente ?»« Tu es joliment difficile, » fit Rose avec un sourire qui voulait être enjoué et qui n'était qu'amer. « Je ne suis pas contente, » répétait la vieille femme. « Je suis peut-être devenue plus difficile à contenter en vivant toute seule et en faisant des réflexions. Que veux-tu ? Et puis c'est l'âge. Bonsoir, ma fille, à demain. » Elle sortit là-dessus. Son pas s'était raffermi et les années ne semblaient plus lui peser. « Quelle chose singulière, » dit Rose avec un sourire ironique. « Les vertus de la province l'ont pervertie. À son âge, je lui croyais plus de sens. » Saint-Chaise ne répondit rien, il avait le cœur gros. Rose fureta un moment parmi les objets tirés à la hâte de ses malles et jetés au hasard dans le salon, puis se tourna vers son amie. « Nous parlerons de choses sérieuses demain, » dit-elle. « Je l'ai assez répété ce soir pour le savoir par cœur. Florence a raison. Je ne me sens pas d'humeur à délibérer maintenant. Mieux vaut renoncer à la conversation. Logez-vous suffisamment loin d'ici pour que les convenances soient satisfaites ? » « Oui, » dit le brave garçon. à l'étage au-dessus, à l'autre bout du corridor. « Il n'y a rien à redire, » fit Rose avec le même sourire. « Eh bien, mon cher, allez-vous-en, je tombe de sommeil. » Il se leva docilement et prit son bougeoir sur une console. Elle lui tournait le dos et ne fit pas mine de s'apercevoir qu'il attendait d'elle une parole affectueuse. « Bonsoir, Rose, » lui dit-elle enfin, voyant qu'elle ne voulait pas se retourner. « Bonsoir, » répondit-elle sans remuer. Il reposa le bougeoir sur la table et s'approcha d'elle. « Rose, » dit-il d'une voix émue qu'il s'efforçait de maîtriser, « voilà 3 ans que nous ne nous sommes pour ainsi dire pas séparés. Qui sait ce que nous apportera demain ? Je ne veux pas vous parler de choses que vous me défendez de mentionner, mais demain, Rose, nous serons peut-être séparés pour toujours. Vous avez voulu revenir, je n'ai pas fait d'objection. Je ne pensais pas que cela finirait comme ça. Et je n'ai pas la moindre idée comment cela pourrait finir. Je ne dis pas que vous ayez eu tort, Rose, mais cependant, j'ai peut-être du chagrin, moi. Et vous n'avez pas l'air de vous en douter. Est-ce que vous ne pourriez pas me dire une bonne parole avant de nous quitter ? Elle se retourna brusquement et lui tendit les 2 mains. « Vous êtes un grand enfant, » lui dit-elle, « et un bon garçon. Quand je souffre, je deviens méchante. Je ne sais pas comment cela se fait. J'ai peur de demain. Je ne sais pas ce qu'il m'apportera. Et puis, cela m'a fait quelque chose de revoir André. Je pensais qu'il m'aurait remercié. Et il ne m'a pas seulement regardé. J'avais oublié, moi, en entendant m'accuser de meurtre. Il me semblait qu'André devait avoir oublié aussi. Mais non, il se souvient. C'est naturel, après tout. Écoutez, Saint-Chet, vous avez été un véritable ami pour moi, et je vous aime bien. Je vous aime plus que tout au monde. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais on fait ce qu'on peut. » Elle lui souriait avec cette grâce enchanteresse qui jadis avait séduit André. Il plongea son visage dans les mains de la charmeresse. Elle se pencha sur lui et l'embrassa sur les 2 joues. Puis, se dégageant, elle le poussa doucement dehors. Quand elle fut seule, elle s'assit sur un fauteuil et resta les sourcils froncés, perdue dans ses méditations. Minuit sonna à la pendule. « Florence m'a fait mal, » pensa-t-elle en quittant sa place pour essayer de dormir. « Elle m'a fait beaucoup de mal. Et pourtant, dans son idée, elle n'a pas tort, pauvre femme. » Elle s'étendit sur son lit, mais ne put fermer les yeux de toute la nuit.